Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Nous commençons la semaine par dimanche, par un dimanche, et c'est déjà bien. Je salue ceux qui nous ont rejoints pendant le culte. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Ce matin, je voudrais vous conduire dans un texte qui va nous transporter. En tout cas, je l'espère, et chaque fois que je lis ces textes, je suis toujours transporté. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Alors, nous ne lirons pas les 51 versets de ce chapitre, trop long, mais nous lirons juste le début de ce chapitre, et on se concentrera plus particulièrement des versets 35 jusqu'au verset 51. Où il nous est rapporté l'appel ou la vocation des premiers disciples, en tout cas tels que Jean nous les a retranscrits. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Verset 35. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples de Jean entendirent ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Où demeures-tu, Rabbi? Ce mot signifie maître. Il leur répondit: Venez et vous verrez. Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il va trouver en premier son frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie. Ce mot se traduit Christ. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit: Tu es Simon, le fils de Jean. On t'appellera Céphas. Ce nom signifie Pierre. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit: Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'où venaient André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes ont aussi parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël lui dit: Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe répliqua: Viens et tu verras. Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet: Voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. Nathanaël lui demanda: Comment me connais-tu? Jésus répondit: Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. Nathanaël lui dit: Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: Ainsi tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. Et il ajouta: Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ça nous transporte, n'est-ce pas? Ça nous transporte déjà dans l'éternité passée. Mais ça nous transporte aussi à la fin de ce chapitre dans une réalité présente. Et sur la base de ce texte de l'évangile de Jean que nous avons lu, j'aimerais aborder avec vous ce matin quelques aspects de notre vocation ou de notre appel. Et nous le ferons à travers le récit de cet appel que nous avons lu, cet appel des tout premiers disciples. Et pour cela, nous nous appuierons sur quatre expressions contenues dans ce texte. Que cherchez-vous? nous avons trouvé, venez et vous verrez. Et la quatrième, je t'ai vu. Alors, petite précision, tout de même, pour ne pas nous affoler, nous effrayer, lorsqu'on parle de vocation ou d'appel, n'imaginons pas surtout que l'on soit obligé à la fin de cette prédication d'aller nous acheter une soutane pour vivre reclus. Par vocation, il nous faut entendre par là cette mise en mouvement, cet élargissement de notre être en réponse à l'Évangile, en réponse à l'appel du Christ, aux paroles du Christ, à la personne de Jésus. Pour poser le sujet, je dirais tout d'abord que ce mot vocation ou appel, c'est une interpellation. C'est un appel de Dieu au salut. C'est lui, dit Paul à Timothée, c'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir. Non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 4, nous encourage à marcher ou à nous conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. À la suite du texte, il parle de l'espérance qui s'attache à notre appel. Paul écrira aux Philippiens que pour lui, marcher ne suffit pas, mais il court. Il court pour tâcher de saisir le prix de cet appel. Et Pierre, de son côté, dans son épître, exhorte les croyants à consolider ou à affermir l'appel que Dieu nous a adressé. Dans ces textes, viennent appuyer l'idée que notre vocation, ou notre appel, puisque ces deux mots sont interchangeables, nous ouvre une dimension intérieure, mais qu'il nous appartient à nous de le faire vivre, de le faire grandir, d'y marcher, d'y courir, de le consolider, de nous y mouvoir dans cette espérance qu'il suscite en nous. Alors vous serez d'accord avec moi pour dire que ce chapitre est en quelque sorte la carte d'identité de Jésus. Et contrairement au prophète qui disait la parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu. Il est la parole première, préexistante. Il est la parole parlante. Et ce qui m'interpelle, c'est que cette parole ne dit rien sur elle-même. En tout cas, elle met du temps à se faire entendre, puisqu'il faut attendre le verset 38 pour qu'enfin cette parole nous dise quelque chose. On aurait aimé au minimum un petit sermon. Alors, pas sur la montagne, si c'est trop demandé, mais juste sur la colline, ça aurait suffi. On aurait aimé une prière à réciter, à recopier. À la rigueur, on se serait contenté d'une ou deux paraboles, d'un geste fort, d'un petit miracle, par exemple. Mais rien. Le sort de cette parole qui sauve, de la parole qui est Jésus, de cette parole de grâce, est confié à la fragilité, à l'approximation de la parole des disciples, qui ne sont rien d'autre que nos frères en médiocrité. Remarquons avec quelle simplicité cette parole fait son chemin. Elle commence par Jean le baptiseur, elle passe par deux de ses disciples, à André, l'un d'entre eux, qui la transmet à son frère Simon-Pierre et à un autre disciple dont on ne connaît pas le nom, mais dont l'anonymat en dit long sur cette nuée invisible de témoins qui nous ont précédés. Puis de Jésus, ce témoignage passe à Philippe, et de Philippe à Nathanaël, qui se trouvait à l'ombre de son figuier, très certainement. La puissance confiée à la faiblesse. Une parole de délivrance confiée à un bègue. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Elle se répète et ça ne nous surprend même plus. Mais il y a là tout le message de Jésus. Il y a là toute notre vocation et notre appel. Et je ne peux m'empêcher de penser et d'imaginer que cette parole si faible, si souvent incomplète ou maladroite, ait pu traverser les siècles, les océans, les tempêtes, les guerres, les génocides, la peste, les catastrophes, pour venir jusqu'à nous, pour venir jusqu'à moi. Tout à l'heure, on cherchait un miracle. Eh bien, il est juste là, devant nos yeux. S'il existe un miracle, ou un signe, pour rester dans la veine de cet évangile, un miracle dont nous sommes tous l'objet, c'est bien celui de la transmission de l'évangile. Une transmission qui ne se fait ni par les dogmes, ni par les conciles, ou par une théologie bien formulée, mais par ce bouche à oreille que ce texte fait remonter aux tout premiers disciples. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens, n'est-ce pas ? Et plaise au Seigneur que nous ne soyons pas les derniers non plus. Mais nous sommes issus de l'oralité. Nous sommes issus d'une parole fidèlement transmise ou issus d'une parole bancale, approximative. Mais peu importe, nous sommes un maillon de cette chaîne ininterrompue d'amour et de grâce. C'est là notre appel, celui de recevoir et de transmettre le message de la bonne nouvelle. Alors je ne sais pas vous, en repensant à ceux qui m'ont parlé de Dieu, je veux dire merci. Merci Seigneur pour cette personne, merci pour cet André, pour ce Philippe, pour cet anonyme qui un jour m'a parlé de toi, qui a semé en moi une graine de pardon, une graine d'espérance, une graine qui a fini par germer. Il est là, frères et sœurs, le vrai miracle. Mais dans la multitude des paroles d'André, de Simon ou de Philippe, plus ou moins justes, parasitées par la faiblesse humaine, c'est tout de même la parole du Christ qui se fait entendre dans ce récit de vocation. Cette parole de Jésus vient à nous sous la forme d'une question. Que cherchez-vous ? Verset 38. Ou plus précisément dans le texte, que cherchez-vous avec le désir de le trouver ? On trouve cette même expression dans le « chercher d'abord le royaume de Dieu », dans cette autre expression « chercher et vous trouverez » ou dans ce merveilleux passage de Luc 19 où il est dit « le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». On comprend tout à fait, frères et sœurs, on comprend tout à fait le sens de cette interrogation. Elle touche notre existence. Jésus interroge le sens de ma vie. Pourquoi je vis ? Pour qui je vis ? Alors, ce matin, je ne convoquerai pas les angoisses de Kierkegaard pour répondre à cette question existentielle. Mais est-ce que ce serait trop excessif de dire « qu'en Jésus, nous avons trouvé la vie ». Une vie au-delà de toute vie. Un supplément de vie que la Bible appelle la vie éternelle. Une vie qui ne me déconnecte pas de la vie réelle, de la vie de tous les jours, mais une vie qui me fait dire, je ne sais pas comment Jésus a fait, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Est-ce qu'on se boucherait les oreilles si, comme Paul, on se laissait à dire, pour moi, vivre c'est le Christ ou Christ est ma vie ? Est-ce qu'on peut juste entendre aujourd'hui cette question que Jésus me pose, nous pose, que cherches-tu ? Mais que cherches-tu avec le désir de le trouver ? Et dans ce récit, la réponse des disciples ne tarde pas. Elle ne laisse aucune place à l'emprise de nos angoisses. Elle s'adresse d'abord à Jésus comme une réponse, comme une reconnaissance. Rabbi, tu es grand. Rabbi. Mais cette réponse vient également nourrir leur témoignage. Et leur témoignage, c'est lequel ? Nous avons trouvé. C'est ça leur témoignage. Nous avons trouvé ce que nous ne cherchions peut-être même pas. Est-ce que nous aussi, frères et sœurs, nous avons trouvé ? Est-ce que nous cherchions seulement ? Sommes-nous comme ce marchand qui cherchait des perles ? Ou sommes-nous celui sur lequel ce trésor tombe du ciel dans un champ, comme la grâce qui nous surprend. Alors, revenons au texte, je m'éloigne un peu. Pour trouver, frères et sœurs, Pour trouver, il nous faut consentir à un déplacement ou un dérangement. Et je préfère ce terme, vous allez comprendre pourquoi. Aux deux disciples de Jean, Jésus répond déjà, « Venez et vous verrez. Déplacez-vous pour voir. » C'est ça que ça veut dire. Et il ne le faut pas longtemps aux disciples pour comprendre la stratégie du rabbi, puisque c'est exactement ce que dit Philippe devant le scepticisme de Nathanaël. Il lui dit, « Viens et tu verras. » Venir pour voir. Se déplacer, rien qu'un peu, sortir de ma zone de confort, de l'ornière de mes habitudes ou du sillon de mes réflexes, consentir à ce petit pas de côté qui me permet de voir autrement. Alors j'observe comme vous que beaucoup de commencements dans la Bible sont des dérangements. Il y a, rappelons-nous, la vocation de Moïse, l'appel de Moïse, lorsqu'il dit « Je veux me détourner, je veux me déplacer pour voir ce que je n'arrive pas à comprendre. » Il y a aussi l'histoire de ce petit bonhomme, Zachée, qui, juste pour voir Jésus passer, monte sur un arbre. Zachée, un peu comme nous, voulait juste un Jésus de passage, le voir passer. Alors que Jésus voulait entrer dans sa maison pour y habiter, même si ce jour-là, sa maison n'était pas bien rangée. Il y a l'histoire de Marie. Marie, la mère de Jésus, elle aurait dû avoir une vie bien rangée, toute tracée, fiancée à un homme de bien, elle aurait dû l'épouser comme une fille de son âge, avoir des enfants, fonder une famille, vivre heureuse. Mais voici que l'annonce d'une grossesse non désirée vient bouleverser la trajectoire de sa vie. Ce qui lui est annoncé la déplace, la dérange à tout jamais pour la gloire de Dieu et pour le salut des nations. Et l'ange, voyez-vous, il ne lui dit pas au pardon pour le dérangement. Il ne lui dit pas ça. Mais il lui parle de grâce. Quel puissant dérangement que celui de Marie. Venir pour voir, consentir au dérangement de nos vies, si bien rangées, trop bien rangées, peut-être. Ce matin, je prends le risque. Mais vous savez de quoi je parle. Ce matin, je prends le risque de dire que l'appel de Jésus s'adresse à des personnes dérangées, qui croient, qui sont d'accord pour se laisser bouger, pour se laisser bousculer, déplacer, par amour pour le Christ et pour les autres, et qui répondent ainsi à son appel. Venez et vous verrez. Viens et tu verras, dit Philippe à Nathanaël en répétant les paroles du Maître. Mais s'agissant de notre appel, de cette vocation que le Christ nous adresse, même si nous avons trouvé ce que, au plus profond de nos cœurs, nous recherchions ardemment, même si nous consentons à rompre avec ce que nous savons, à déplacer le curseur au-delà de notre zone de confort, même si nous nous laissons bousculer, renverser, retourner pour venir voir le Christ, est-ce que nous pouvons, en toute vérité, avancer, masquer et voir sans être vus? Est-ce que nous pouvons voir le Christ en nous soustrayant à son regard? Cette histoire de vocation nous dit que non, absolument pas. Oh, avant, bien avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. Alors n'en déplaise à Zachée, du haut de son arbre perché, ou à Nathanaël, à l'ombre bienfaisante de sa tranquillité, avec un écriteau bien lisible, surtout ne pas déranger. N'en déplaise à tous ceux qui entendent l'appel de Jésus, nul ne peut voir Dieu et vivre. Nul ne peut voir Dieu et rester comme il est. Nul ne peut soutenir le regard d'amour que le Christ pose sur chacun de nous, au plus profond de nous. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Nathanaël faisait sous son figuier. Lisait-il la Torah? Peut-être qu'il ruminait, comme Jonas, sous le ricin, ses entrailles resserrées. Avait-il commis un acte honteux que seul Jésus connaissait? Avait-il cherché à se faire une ceinture de feuilles de figuier mal ajustée, à s'envelopper d'une justice personnelle comme Adam et Ève dans le jardin? Ou bien peut-être que ce figuier n'est rien d'autre qu'un arbre planté au cœur de son jardin secret. Peut-être que ce figuier n'est rien d'autre que son histoire personnelle avec Dieu, le tréfonds de son cœur, le tréfonds de nos cœurs que Jésus voit et qu'il connaît parfaitement. Alors, est-ce que nous avons trouvé? Alors, si nous avons trouvé, si nous avons trouvé celui que nous cherchions à tâtons, si nous avons consenti à venir le voir, à nous laisser déranger par la folie de la croix, si le regard de Jésus nous a sondés au plus profond de notre être, alors ne brisons pas cette chaîne ininterrompue du témoignage de Jésus en gardant ce trésor pour nous-mêmes. Ne soyons pas le maillon faible du message de l'amour et de la grâce. Saisissons toutes les occasions pour dire à ceux qui nous entourent, viens et tu verras. Amen.